Attention pour une averse de nouveautés. Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, comme toujours, on a beaucoup de nouveautés des deux côtés, que ce soit anglophone ou francophone. Plus tard à l'émission, il va y avoir The Bird and the Bee, formation que j'avais bien aimé de cela un moment. Leur nouvel album s'appelle Regons Are Not Just the Future. On va aussi entendre la formation The United Steel Workers of Montreal avec 3 on 3. Du côté francophone, on va entendre Bernadette et l'album On se dit tout d'Alcaz, mais on commence par une toute nouvelle pièce. C'est tout nouveau, c'est tout chaud, c'est tout frais, tout ce que vous voulez. C'est la formation Chinatown qui était dans le palmarès récemment. Et là, ils nous ont envoyé la nouvelle pièce Apprendre à danser. Donc, c'est ce qu'on s'en va entendre dans le poste d'écoute sur C'est fou 89.1 FM. Je cherche mon chapeau sur le plancher de danse. La musique est trop forte, stupide et vindicative. Et je ne comprends pas ce que tu dis, c'est pourquoi je souris. Pendant que tu gueules dans mes oreilles. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Viens, sortons dehors. Au fait, remémore-moi ce qu'on est venu faire ici. Au diable vos verres. Ce meat market gardé par des mercenaires. Il fait plus chaud ici que l'été dans le métro. Et je reste songeur pendant que tu sautes. Faudrait t'apprendre à danser. T'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Chinatown et apprendre à danser. Premier extrait de leur nouvel album qui sort au mois de mai. Et là, sur leur MySpace, au myspace.com/Chinatown Franco, ils ont comme oublié complètement le fait qu'ils existaient avant. Ils ont enlevé toutes leurs vieilles tunes pour mettre seulement celle-là, que je trouve un petit peu pop comparé à ce que Chinatown faisait et ce qu'ils ont eu dans les palmarès de ces fous que j'adorais. Mais bon, bref, ça reste du pop rock. Groupe de Montréal, Chinatown. Ils ont commencé en 2007. Ils ont donc fait leur formation. En 2008, il y a eu une tournée en Chine. Plus, ils ont signé avec un label, une étiquette. Et puis, ils ont fait un EP. Et là, en 2009, studio et premier album à venir. Les membres sont Pierre-Alain, Félix, Julien, Gabriel et Toby. Allez voir Chinatown Musique. Musiqueenfrançais.com. Là-dessus, ils ont des dates de spectacle et un paquet d'autres affaires. La semaine dernière, les Junos ont été annoncés ici sur leur site web avec quelques peu de retard. Les Usual Suspects, ils sont comme prévu, les Nickelback, Simple Plan et Céline. Mais il y a du bon aussi. Et là, ils parlent d'un paquet de choses, de nouvelles par rapport à Beast, The Creature, Carquois, Cœur de Pirate, leur groupe préféré. Bref, beau site. Assez gentil. Allez voir ChinatownMusic.com. J'ai hâte d'entendre leur album au mois de mai. On passe du côté anglophone pour aller entendre la formation de Bird and the Bee. Ils avaient une pièce qui roulait un petit peu assez fou dans le temps, qui s'appelait Again and Again and Again and Again. Leur nouvel album s'appelle Ray Guns Are Not Just the Future. Et on s'en va entendre les premières pièces de l'album, comme toujours dans le poste d'écoute. On commence avec Fanfare tout de suite. C'est fou, 89.1. C'est fou dans vos oreilles. Take me out tonight. le poste d'écoute. When I was a child, you captured my devotion. I spent so many hours exploring mixed emotions. All of the ways you spoke to me, all of the things you provoked in me, I'll always love you. Diamond Day, no one can hold a candle. Nothing else is quite the same. Pretty day, I'll always remember. I still carry such a flame. When you left the band, I couldn't understand it. Time you spent away from me, all of the missed opportunity, I'll always love you. Diamond Day, no one can hold a candle. Nothing else is quite the you got. I can take it. I'll always love you. Diamond Dave, une pièce de The Bird and the Beast, mais leur album Ray Guns Are Not Just the Future. Avant ça, c'était la pièce My Love, et on a débuté avec Fanfare, les trois premières pièces de l'album de The Bird and the Beast, qui est un groupe de Los Angeles en Californie, un groupe de pop alternatif. Leur MySpace est au myspace.com/TheBirdAndTheBeast, et là-dessus, on apprend que c'est Inara George à la voix et Greg Kirsten au reste, tout le reste au complet. Et Greg et Inara se sont rencontrés il y a quelques années. Ils ont découvert un amour commun pour le jazz et les standards du jazz. Et ils ont fait les nerds pendant quelques heures en jouant chaque chanson qu'ils connaissaient. Et après ça, ils ont commencé à écrire et à enregistrer des pièces ensemble. Voilà donc pour The Bird and the Beat. Allez voir leur site web au thebirdandthebeat.com. Vous êtes dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble, et on passe du côté anglophone pour aller entendre la formation Bernadette. Assez intriguant comme album, très très brun, très bois, avec des dactylos et des grosses personnes et des graphiques bizarres. Je sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'on pointe un enfant en disant que ça c'est pour écouter, c'est pour sentir, c'est pour regarder. C'est fascinant, fascinant. On va donc entendre les pièces qui ouvrent l'album. On commence avec Mon Karma. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute. C'est fou, 89.1 FM. FM. Si je me fie à mes épaules, je ne supporterai pas le poids. Je ne serai jamais chef de la Gaule. Je n'ai pas l'étoffe d'un roi. Je ne referai pas le monde. Je ne le pointerai pas du doigt. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Ce n'est pas mon karma. C'est tant pis, c'est pour moi. Demain je reviendrai en chantant. Tant pis, c'est pour moi.

Je pourrais un jour te faire une chanson d'amour, mais je ne sais pas, je ne le sais pas toujours. Tu me dis des mots gentils, je ne sais pas quoi répondre. Ma tête est au ralenti, mes jambes tremblent, ma langue tombe. Fais-moi des sourires encore et tu verras que le vide au cinquième ne me servira pas. Je laisse aux alentours mes tristes écritures, mon amour, je te ferai mes nouvelles signatures. Et même si je ne t'entends pas, et même si tu ne m'entends pas, c'est comme si je pouvais te sentir à 5 heures du matin. Et j'attends que le soleil se lève pour me faire une idée de mes pensées nocturnes. Le baiser de la mort avec un bec de lièvre. L'enfer m'impose ses coutumes, j'espère qu'on s'entendra toujours bien. À avoir un peu froid, je crois que je mérite encore un peu de toi. Cela commence à me faire vraiment mal. T'es à la guillotine, je garde les pédales. Terminé le temps de ces copieux repas, une goutte d'eau fraîche, abracadabra. Et même si je ne t'entends pas, et même si tu ne m'entends pas, c'est comme si je pouvais te sentir à 5 heures du matin. Et même si je ne t'entends pas, et même si tu ne m'entends pas, c'est comme si je pouvais te sentir à 5 heures du matin. Et j'attends que le soleil se lève pour me faire une idée de mes pensées nocturnes. De baiser de la mort avec un bec de lièvre. L'enfer me pose ses coutures. Bernadette, dans le poste d'écoute. Ouais, c'est fou, 89 FM. Donc, la pièce qu'on vient d'entendre, c'est Chanson d'amour. Avant ça, c'était L'eau lève. Et on a débuté avec Mon Karma. Bernadette, qui est une formation de French pop, folk, rock, pop, selon eux-mêmes. Groupe de Montréal. Francis Farley, le mieux à la voix, guitare acoustique et harmonica. Étienne Mius, Olivier. Guitare acoustique et guitare électrique. Pascal Poirier à la basse, Patrick Nadeau à la batterie et Amélie Poirier-Aubry à l'accordéon. Ils vont être en spectacle le 16 février, au Ninkasi de Québec, si ça vous intéresse d'aller les voir, si vous êtes dans le coin. Bernadette, c'est surtout Francis Farley-Lemieux qui, en plus d'être l'instigateur du projet, signe l'ensemble des paroles et des musiques et des chansons qui se retrouvent sur l'album. Il développe son projet depuis 2001 alors qu'il décide de greffer d'autres musiciens à l'aventure. Ce nom, fortement inspiré du prénom de la grand-mère de Francis, évoque pour lui cette femme forte qui a élevé 11 enfants et notamment l'accueil qu'elle réservait aux passants qui demandaient nourriture et toit, sa générosité, son dynamisme et ses origines rurales. Ses racines familiales et traditionnelles se traduisent dans sa musique et les thèmes abordés. Bernadette est un groupe festif en pleine émergence sur la scène québécoise. Ses chansons et sa musique semblent tout droit projetées par les rayons de soleil, dit leur MySpace. De la chanson francophone sur une musique folk, joyeuse et amusante, c'est à découvrir. Voilà un texte écrit par la formation Bernadette qu'on peut retrouver au myspace.com/Bernadette Musique. On retourne du côté anglophone pour aller entendre une formation qui s'appelle The United Steelworkers of Montreal. Leur nouvel album s'appelle Three on the Tree. Trois sur l'arbre. Oui. Et tout de suite, voici la pièce Three Hard Knocks. Assez fou, 89 FM. C'est le poste d'écoute. Three hard knocks and the dead man's hand. It's time to go. Long dead bird on the side of the road and an old scarecrow. He's gonna carry me home. could this be so? Think I'm losing all control. Devil's coming fast, he's got a wagon of souls. Coming with his bipolar and hey. Look to me with those sore eyes, I knew I would be. Lord, save me from the devil's grave. Wanna lay me down in this warm girl's grave. Le poste d'écoute. Under the bed, they give FM. Écoutez-nous en direct partout sur la au cfou.ca. My mama died when my daddy was killed, shot in the back by the man. So I got a gun in the town I run, looking for the man with a badge. Said, son, your daddy was mad, bastard 6 feet underground. See, your mama was a woman with an ironclad will. Your daddy beat her till she bled. It took more than one night, cause she put up a fight before that woman's soul was dead. Shot him down with 6 silver-tipped rounds. The bastard 6 feet underground. Let me hear that mandolin. Shining armor, I guess. Well, she held my hands as she told me her plans. Well, I was so in love, I said yes. See, son, your daddy was bad. Never knew what he had. So I shot him down with 6 silver-tipped rounds. Bastard 6 feet underground. Your mama was the girl of my dreams. Say, son, your daddy was bad. Never knew what he had. So I shot him down with 6 silver-tipped rounds. Son, Your Daddy Was Bad de la formation The United Steelworkers of Montreal. C'était leur album Three on the Tree. Avant ça, c'était For Love and Your Mother's Sake. Et on a commencé avec Three Hard Knocks. Tout ça, c'est les trois premières pièces de leur nouvel album. Mais c'est du Bluegrass Roots Music Country. United Steelworkers of Montreal. Ils viennent en effet de Montréal. D'ailleurs, ils vont être en spectacle dans la ville de Montréal au Divan Orange avec Scotch et Jill Stavely le 4 mars à 21h30. D'ici là, ils sont en tournée du Canada, pas mal au grand complet. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles. Et je pourrais ajouter un dernier, beaucoup. Les membres sont Gurn F à la voix, Rhythm Guitar et Harmonica. Sinon, il y a aussi Felicity Hammer, Gus Beauchamp, Matt Watson, Eddie Blake et Chris Reed. Influence Lee Meller, The Unsettlers, Ryan Shearing and the Ghosts of Bell Stars. Bell's Star et un paquet d'autres choses que je ne connais pas. Je montre mon inculture. Bref, United Steelworkers of Montreal et l'album Three on the Tree, c'est un style, en effet. On reste dans l'anglophone pour aller entendre une autre formation canadienne qui s'appelle The Deep Dark Woods. Leur nouvel album s'appelle Winter Hours et tout de suite, voici Farewell. Alors qu'on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble, là, c'est fou, dans le poste d'écoute. All of his friends said, I'm leaving town and I hope to begin something up north where the wind blows cold. I'll be up there until I grow old. All he had to his name, suitcase in hand, $5 and no place to land, 2 shells in his rifle, and a knife in his sack. He found a woman that before he did laugh. Let my absence be no trouble to you, for I will see you soon, I know. Can't you hear? Can't you hear the willows weep? Can't you hear? Can't you hear them as they moan? They're taking away my body. Take a hold. Don't let your well run dry. When your time on earth is over, I will meet you in the by and by. Can't you hear? Can't you hear the willows weeping? Can't you hear? Can't you hear them as they moan? They're taking away my body in the spring when the rivers flow. Deep Dark Woods et Nancy, précédé de Farewell de leur album Winter Hours. Allez voir myspace.com/ Deep Dark Woods. C'est un groupe de Saskatoon en Saskatchewan qui fait du folk rock, country rock. Le CD va être en magasin à partir du 17 février au Canada, aux États-Unis et en Europe. Ils sont en tournée canadienne en ce moment, mais il n'y a pas de date qui se rapproche de nous. Non, aucune, j'ai vérifié. Ryan Bolt, Burke Barlow, Chris Mason et Lucas Goats sont les membres de ce groupe Deep Dark Woods. Et je répète, l'adresse c'est myspace.com/deepdarkwoods. Et sinon, vous pouvez passer par le site de l'émission pour tous les liens mentionnés pendant l'émission. C'est au www.unechance.com. Là-dessus, il y a aussi la balado-diffusion en MP3 téléchargée chaque semaine. C'est déjà la fin de la première heure du poste d'écoute. On va se quitter avec Paisley Jura. Son album s'appelle Time In Between. On va entendre plusieurs pièces, mais nous, le vendredi, on va entendre seulement Forgotten Ones. Les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi ont toujours 20 minutes de contenu additionnel. Donc, vous entendrez d'autres pièces de Paisley Jura. Et je vais essayer de parler d'elle en début de deuxième heure. C'est vrai que je l'oublie. Bref, tout de suite, voici Forgotten Ones dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Restez avec nous! Check our minds against the flow of water from the faucet down the hall. I turn to you and ask for one more sip from the lover's flask, but you're already talking with the angels. We are forgotten ones. soft against steel crow, gleaming in fluorescent light. Clara next door hums a tune, loud and clanging in her bathroom. The same four notes repeated on an endless loop. Ba, ba, ba, ba. Stray folds his napkin and measures the space. With practiced eye, he places fork and spoon at 90 degrees. And coming down the hall, a blue-eyed punch who's far too tall holds a clipboard under his wing, flanked by women who want to sing. Ba, ba, ba. Thank you. and the timing is off. It's a one-legged bonjour, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Je n'ai rien entendu de l'émission d'aujourd'hui et d'aucune émission du Poste d'écoute, je le jure. Hein? Voilà. Dans cette deuxième heure, il va y avoir la musique de Red Jumpsuit Apparatus. On va entendre leur nouvel album Lonely Road. Il va aussi y avoir la formation Fred et l'album Go God Go. Mais on commence par quelque chose dont j'entends parler fréquemment. De ces temps-ci, j'ai l'impression que les gens qui aiment bien ça, donc j'ai hâte de le découvrir moi aussi, c'est Jason Bajada. Encore Bajada, avec Love Shit, produit par les Troublemakers. On écoute tout de suite les premières pièces. Commençons par Cut, Watch, Leave. Dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. I've been drowning to the day. The sun caught fire again. Things are different, things are strange. When I've got nothing to say, and the way you look at me so tired. We've been wired, now I'm calling the shots, and the words start paving the way. Plane is taking me to hell, and the gasoline's burning us well. Oh no, you know it's true. The only thing I shouldn't have done was to think of you with someone down on your knees, with his head back in a pointless magazine dream. It's not what love's supposed to be. You cut my throat, so watch me bleed, then leave. Lost, we've all been lost. I wish someone had told me the plot for life. Got caught, yeah, I got caught. And now the bastards are running away and taking me to hell, and the gasoline's done us well. Oh no, you know it's you. There isn't much I could have done to prevent us from falling one. When we were 10, the stars were never the end. It's not how love's supposed to bend. You cut my throat, so watch me reach the end. I can't believe I let you break me again. I know you love me, but I figure you can. When the gates close final and your dressings are touching your man. You say you're sorry, but honey, I really am. There's a life out there, but the vacation is harder to plan. I don't blink when I look at you, 'cause I can't let you go. to me softly, like a beat of the heart. When the sugar starts pouring and you smile, you'll know we've arrived. Today's in Miami, frame glasses and cold. Lilac from the tree by my house, for yours forever to hold. You're the woman I'll marry, but I'm drunk in my car, with a big warm blanket of pills and a sky full of stars. I don't blink when I look at you, 'cause I can't let tells me you do. The hardest part is wondering what you'll do with the romance he gives to you. Today's in Miami, an impossible hell, with the airport flowers bringing happiness to the prettiest girl. At you, 'cause I can't let you. Sorry. sorry for the sound of your heart shattering dead on the ground. Start you alone, home, still your bones. Move into you as you move into me. Sit here a moment as you're watching me sneeze. I'm not quite as horny as you'd like me to be. Keep hunting for secrets everyone knows. I've lied to myself, I've lied to my foes. The past is what happened when you were alone. Alone in his room, then you took off your clothes. How did it happen? Why must I know? The images last when I need them to go. I'm sorry, my love. I'm looking for my soul. Ah, j'aime ça, c'est bon, ça. Jason Bahada et son album Love Shit. Peut-être devrais-je le prononcer Bajada, j'en ai aucune idée. Holmes, Still Your Bones et la pièce qui vient de jouer. Avant ça, c'était 10 Days in Miami. On a débuté avec Cut, Watch, Leave. Jason Bahada, parlons un petit peu de lui en regardant son Facebook. Il vient de Montréal. Oui, c'est vrai, Montréal. L'album est disponible maintenant, Love Shit. Il va être en spectacle le 27 février à 20h au cabaret Juste pour rire. Ensuite, il va être à Québec au Cercle le 28 mars. Et puis, il va passer par Lavaltrie et Sainte-Thérèse tout en faisant un petit tour en Ontario entre les autres dates. Allez voir myspace.com/JasonBahada, B-A-J-A-D-A, ou passer par le site de l'émission ou www.unechance.com. On dit sur la critique du Montreal Gazette, de la Gazette, que c'est reflective, hushed, conversational. C'est comme s'il te parlait. C'est comme s'il te chuchotait. Hein, c'est beau. Jason Bahada, à date, j'ai sur des albums que j'ai bien aimés. Oh, je viens de voir. Petite chose à dire, il va être en spectacle au Cercle avec Danny Placard et il va être à la Lavaltrie à un bar qui s'appelle La Chasse Galerie. Étrange quand même, hein? Pareil comme ici, avec Cœur de Pirate. Ah, je trouve que ça fait ensemble, Cœur de Pirate et Jason Bahada. On reste du côté anglophone pour aller entendre The Red Jumpsuit Apparatus. Leur album le plus récent s'appelle Lonely Road. On vient de le recevoir et on commence avec la pièce You Better Pray dans le poste d'écoute. C'est fou, 89.1 FM. Let me call you, don't judge what I'm thinking. Hey, soyez pas, disons, déstabilisés si vous entendez ça à nouveau assez fou, genre dans les palmarès. C'est le poste d'écoute. Je sonne mal. Restez là, au retour, il y a plus de Red Jumpsuit Apparatus et on découvre Fred avec Go God Go dans le poste d'écoute de C'est Fou. C'est le poste d'écoute. It is you. The Red Jumpsuit Apparatus et Pen and Paper de leur album Lonely Road. Avant ça, on a entendu No Spell et You Better Pray a ouvert le bloc. The Red Jumpsuit Apparatus, comme je disais un petit peu précédemment, là, vous risquez de réentendre du Red Jumpsuit Apparatus sur nos ondes, entre autres dans les palmarès. C'est fou. On reste du côté anglophone pour aller entendre une formation que je vous ai promis un peu plus tôt, c'était Fred, avec leur album Go God Go. On va entendre les premières pièces de cet album-là, et plus tard, on va entendre Alcaz et leur album On se dit tout, chanson Nomad Love, disent-ils. Pour l'instant, c'est Fred dans le poste d'écoute. On découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois. On les déballe en direct comme ça, en studio. Hein? Tu sais, presque. Pas vraiment, mais bon. On fait comme si c'était comme... Mais on le déballe pas physiquement. C'est pas de ciseaux. Pas des balades, des mots de CD. Hein? Vous êtes d'accord? Yeah. Something to believe in, Queen of the Island, another Fred et The Lights. Avant ça, c'était Running et Skyscrapers. Ce sont les trois premières pièces du nouvel album de Fred qui s'appelle Go God Go, ici dans le poste d'écoute. Fred qui remet le Fred dans Freedom d'ici sur leur site web, sur leur MySpace, au myspace.com/FredTheBand. C'est un groupe qui vient de Cork, en Irlande. Et si on parle de spectacle, ils vont être à Montréal le 14 mars à 20h au Green Room avec Mina May, FredTheBand.com. Si vous voulez en savoir plus, un band de sexy, disent-ils, leurs chansons vous font à manger. Ouais. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé Fred avec Go God Go. Je crois que ça va aussi finalement sur le palmarès un jour, un peu comme le groupe d'avant, Red Jumpsuit Apparatus. On a un bon bloc, en tout cas. Hein? À ce moment-ci, là, je me dis, ce bloc-là, il était bon. Ouais. On va continuer avec du francophone maintenant. Le dernier album francophone de cette semaine vient de Alcaz et il s'appelle On se dit tout. On va entendre la pièce titre tantôt, mais on commence avec la jolie chance. Donnons-lui une chance. Au courage. Dans le poste d'écoute. Assez fou 89 FM dans vos oreilles. La jolie chance que j'ai d'être né sous la lune, de marcher sur la terre, aller du sud au nord pour te chercher, me laisser porter par le vent. La jolie chance que j'ai d'être née sur la terre, la tête dans la lune, la fièvre dans le corps pour te trouver. Je défierai le vent. J'adore les routes de Pennsylvanie quand elles se cambrent. Et si mon mois d'août, je me méfie, j'attends septembre. La jolie chance que j'ai, deux ou trois fois plutôt qu'une, traverser les déserts, à l'amour, à la mort. Hey, la vérité, c'est peut-être le fond. Que j'ai légère comme une plume, me rappeler qu'il neigeait au plus noir de mes nuits et voir la jolie chance que j'ai juste pour aujourd'hui. Laisser rouler. Et roule, roule, ne coûte que le vent. J'adore les routes de Pennsylvanie quand elles se cambrent. Et si mon mois d'août, je me méfie, j'attends septembre. Marseille et Philadelphie, quelle douceur d'ambre. Mais je serai sans doute en Gaspésie pour la fin décembre. La jolie chance que j'ai d'être né sous la lune, la jolie chance que j'ai d'être né sur la terre, la jolie chance que j'ai d'être né. La jolie chance que j'ai. La jolie chance. La jolie. La. Le poste d'écoute. Tu me dis qu'il est temps de ne plus réfléchir. Que le temps d'un instant, tout peut vivre ou mourir. À moi de décider, le plus ou le moins, et sur un coup de dé, m'engager pour demain. Yeah, yeah, yeah. On se dit tout, tout. C'est comme ça que l'on s'aime, on se dit tout. Fini les mises en scène, on se dit tout, tout. Comme on longe la scène, on se dit tout, tout. Tout l'amour que l'on sait. Tu me dis qu'il est temps est grand temps d'agir. Tu me dis l'important, c'est ne plus se mentir. Ouvrir les yeux, mon cœur, sans oublier la source. On ne sait rien par cœur, mais guidé par la grande ours, on se dit tout, tout. C'est comme ça que l'on s'aime, on se dit tout, tout. Fini les mises en scène, on se dit tout, tout. Comme on longe la scène, on se dit tout, tout. Tout l'amour que l'on s'aime. Ce à quoi l'on prétend, ce désir d'accueillir les fruits de l'impression, cet amour qui nous pousse comme une déclaration que la vie soit plus douce. On se dit tout. C'est comme ça que l'on s'aime, on se dit tout, tout. Fini les mises en scène, on se dit tout, tout. Comme on longe la scène, on se dit tout, tout. Tout l'amour que l'on s'aime, tout l'amour que l'on s'aime. Hey, c'est Kitten, ça. Alcaz, avec On se dit tout. Ça, c'était la pièce titre de leur album. Chanson Nomade Love, On se dit tout. Bon, ça, c'était La Jolie Chance, qui était moins pire. Je trouve ça bien, quand même, la première pièce. Mais je pense que je vais arrêter ici pour moi. C'est mon arrêt. Alcaz, French Pop, Folk Rock Pop de Marseille, PACA, en France. Ils vont être à Montréal au Vert-Bouteille le 23 février à 20h et au fin de tour. Je sais pas ce que ça veut dire, 27 février, 20h à Montréal. Peut-être que c'était la fin de leur tournée à Montréal. Bref, alcaz.net et leur site web ou encore myspace.com/alcazfrance. L'album s'appelle encore une fois On se dit tout, chanson Nomade Love. On termine la deuxième heure avec la musique de l'album Animals in the Dark de William Elliott Whitmore. On va entendre la première pièce Mutiny. Si vous écoutez le mercredi ou le samedi en rediffusion, il y a toujours 20 minutes de contenu additionnel dans chaque poste d'écoute et vous allez entendre d'autres pièces dont Who Stole the Soul. J'avais promis tantôt, ça j'aime ça quand je fais ça, que j'allais parler de l'album qui a fini la première heure en début de deuxième heure. Donc je vais tout de suite aller voir, c'est Wilmore. Ah non, j'ai même pas le temps de le faire. Bref, on l'écoute puis on essaie d'en parler en début de troisième heure. Là, à un moment donné, il faut se taper ses doigts puis se punir. Voici donc Mutiny de William Elliott Whitmore dans le poste d'écoute. Et on se retrouve pour une troisième heure tantôt. Restez des nôtres. Stay with the hours. The no. With stay in the bed. Don't go away. Well, it's a goddamn shame what's going down. How it got to this, I do not know. There's a sick, sick wind that is blowing round, and the captain's got to go. About you or me, he does not give a damn. What a low down dirty snake, with his mind on his money and his money on his mind. Well, something's got to break. Like when the hounds start howling, when the hounds start howling, when there's fiends about. I declare mutiny on this ship. Yeah, the captain's been drinking below the deck, and this vessel's headed way off course. I want to wrap my hands around his crooked neck and throw him overboard, send him to his Lord. Devils have taken from me. No, I don't want to be saved. Oh, I just want to be free and take back what these old devils have taken from me. Like when the hounds start howling, or when there's fiends about. I said, I declare mutiny on this ship. Well, the captain's been drinking below the deck, and this vessel's headed way off course. I want to wrap my hands around his crooked neck and throw him overboard, send him to his Lord. No, but to burn in flame. I said, he don't need no water. He don't need no water. We'll let the motherfucker burn. Let the motherfucker burn. I said, he don't need no water. He don't need no water. We'll let the motherfucker burn. Let the motherfucker burn. We'll burn, motherfucker, burn. I breathe, and I'm afraid they won't stop till all the poets have failed, till all the good men are jailed for nothing at all. Let them take the fall. Devastation and call it diplomacy, but an occupation won't bring a nation peace. Ooh, and I'm so ashamed, and these things beyond value that we cherish so dear. I won't let them go. No, I won't let them go. can finally breathe. Oh, hear the shuffle of my dancing feet. Well, I was driving down the road just a minding my own when Johnny Law pulled up from behind. He walked up to my window and said, roll it down and let me see what I can find. I said, no way, what's mine is mine. I'd appreciate it if you'd leave me be. He said, I'll leave you be alright in a cell all night. I'll lock you up and throw away the key. He slapped them cuffs on my wrist and my hands clenched into fists. And I wished I could have punched him in the jaw and knocked out old Johnny Law. Old Johnny Law, Johnny Law, he's the littlest man I ever saw. With his badge and his gun, he'll just hassle everyone. He'll get you on the run, Johnny Law. He took me down to the state house. He hurled that book at me. And being in a cell is like being in hell for a man who longs to be free. I sat there and I wondered just what gave this man the right to leave me to rot here on this rickety cot, just a staring at the ceiling all night. And I couldn't help but think of the words of my dear departed Paul. He said, do the best you can to be a good man, but don't you never trust Johnny Law. Oh, Johnny Law, Johnny Law, well, he's the littlest man I ever saw. With his badge and his gun, he'll just hassle everyone. He'll get you on the run, Johnny Law. Without any proof, they couldn't keep me there, so they let me out in the morning. And that cop said, son, I don't know what you've done, but just consider this a little warning. I said, it must take a lot of nerve to protect and to serve, but I wonder what it would be like if you didn't have that badge or that gun or that uniform to hide behind. And although I fear that this whole deal I got was pretty damn raw, my conscience is clean, 'cause I'm a human being and you're just Johnny Law. Oh, Johnny Law, Johnny Law, well, you're the littlest man I ever saw. With your badge and your gun, you just hassle everyone. He'll get you on the run, Johnny Law. With his badge and his gun, he'll just hassle everyone. You'll never get me on the run, Johnny Law. Bonjour, c'est la troisième heure du Poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, il va y avoir Nomadic Massive, en rap. Il va y avoir AC Newman avec Get Guilty. On va aussi entendre Half-Baked avec The Century of Foam. Mais on commence ça du côté anglophone alternatif avec Late of the Pier. Mais avant ça, je viens de me rendre compte que j'avais dit que je parlerais de William Elliott Whitmore, qu'on a entendu en fin de deuxième heure. Donc faisons ça tout de suite. Son album Animals in the Dark est disponible à partir du 17 février. C'est myspace.com/William Whitmore. Il est en grosse tournée américaine en ce moment. Je ne vois pas de date près de lui, mais bref, myspace.com/William Whitmore. Voilà qui est dit tel que promis. On s'en va entendre donc Late of the Pier. Leur nouvel album s'appelle Fantasy Black Channel et on commence avec Hot Tent Blues dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou ça! Johnny Sun. poste d'écoute. Bears Are Coming de la formation Late of the Pier. Avant ça, c'était Space in the Woods. Avant, c'était Broken. On a débuté avec l'intro Hot Tent Blues. Late of the Pier, j'adore ça. Ils viennent du Royaume-Uni. myspace.com/late of the pier. Samuel Dust, Francis Dance, Red Dog, Consuela et Jack Paradise sont les membres de ce groupe. Il y a aussi le site lateofthepier.com, P-I-E-R. Plein d'informations là-dessus, des vidéoclips. L'achat de l'album sur Amazon ou sur iTunes, etc. etc. Ils ont pas mal de simples au moins. En tout cas, je pense pas qu'il y ait eu tant d'albums que ça en tant que tel. Bon, Late of the Pier, l'album s'appelle Fantasy Black Channel. On passe à quelque chose de complètement différent pour aller entendre un petit peu de rap. Nomadic Massive, le voici tout de suite avec l'intro dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou 89.1 FM. To local hip hop. Yo, hip hop to me. Nomadic Massive. Artists try to be different. Doesn't matter what kind of language you do. We're gonna represent hip hop live and direct. Hip hop is not only about understanding, hip hop is about feeling it. That's it. Yo no busco la fama, solo la fortuna. Fue lo que cantaba el compadre Di. On m'avait dit que les écrits prennent vie une fois noir sur blanc et les paroles restent en l'air en suspens. Mes précieux mots d'argent, je les aurais vite troqués pour un silence doré à force de me taire et d'observer. Mais tu n'es pas en vain, les chiens on teste les limites comme la laisse autour du cou d'un chien. Le plus beau dans tout ça, j'ai fait comme l'a fait Sinatra. Morale de cette histoire, je suis là, je regrette nada. Ok, ça mais c'est le nom des papis. Happy to be here once again. Reassemble the band and blend ingredients. En mini osos dos se mete. Quiero hacer la faceta más potente. Del hip hop, nuestra oferta. We will be here forever. No dijo que your rest of day, your rest of developing up the style is dangerous. I mentioned this in full clarity, bringing an option. No auction of the soul, way too precious a concoction. Broken style, he boogie dancer like paper ten. Ruler of the ruler, nuns mighty at the nature. Proof could be valid when you focus on your center. Enter, holy, holy, hungry for them fortune cookie. Doing the hula hoop to study lies my real duty. Embrace present day work like a beaver. Time waits for no man, I am to me a true fan. Reality, positive vibe, cap no allergy. Apology, energy, polishes things for my vortex. I'm Gore-Tex, my whole text is intense. Next to the next, my thoughts flex like Mac Opera. Runners of a continent, get up and move forward. This world's full of trickery, with fear to get victory. And it's just stop from the sweatshop, from being a crawler. Up the girding is up, come on, live it up. Late night, you making moves undetected. Daytime, we making moves and we suspected of evil things. When it's rhymes, we bring not an extraordinary thing. And hey, we talking to you about them deeds you do. Feed your ego, truth, your enemy. You watch him bleed and keep a lean right through. But at cuisine, 8 days a week, yo, you bound to get skinny. Feet on his feet, catch and release. He's taking you to 9 innings. Ha! Tout est déjà là, n'a toujours été là. Envoyé un petit mal avant, prenant 3 mois. Allemand des gros, t'aimes sortir avant, ni trop tard. Le déco, vaisseau, ouvrage au grand. Pas être trop la mine, pas mal d'opinion. Mais dans le grand, il n'y a pas cette boutillon. Moi, c'est non, il n'y a qu'à monter mon avion. Pour me libérer, être plus moins monter mon avion. Là, quand j'ai trop petit, mais nous là. Là, quand j'ai trop petit, mais nous là. Là, quand j'ai trop petit, mais nous là. Là, quand j'ai trop petit, mais nous là. Là, quand j'ai trop petit, mais nous là. Là, quand j'ai trop petit, mais nous là. We're not being taught to deal with the world as it is. we're being taught to deal with this fairyland, which we're not even living in anymore. It's sad, because I'm telling you, and it should not be me telling you. But whatever he thinks is right, he's from Texas, he's got to be right. Bueno, y vamos con el tema de esta noche. The language they speak in Latin America is left, true or false. What? Abro mi boca, ojos cerrados y el mundo color boca. Tantas veces me he sentido solo, mano en boca. Mi indigestión, nueva gestión de mi tiempo. Esto es mi testamento, yo me voy, amor, lo siento. Arreglando mi crisis, apocalipsis interior. Mi chiquita, fin del mundo, paso sin temor. Ya se murió mi mala suerte, mi nube negra. Pon una nube de leche en mi café, nena. Azúcar también, palabras cruzan también. Por eso duermo bien si por lo menos toco a alguien. Imbécil, mi tesis es la historia de un cambio de energía que me trae gloria. Sigue mi filosofía hasta que me muera. Mi lucha es mi arte como un baile de capoeira. Fuera del tema de la vida no queda nada. Pana mata el miedo y quédate firme como Zapata. Al ritmo del palo vi de la lata. El sol aparece, alquimia personal, no es nada fatal. Por eso te lo digo, arriba este instrumental. No vale fácil. My voice that resonates, my rib cage is filled with magnetic fuel. 12 jewels, dudes to serve fools. Reach like a telephone, weeks have been alone. A diner, back in my zone so I can write this few songs. The school of life is my home, I'm roaming like a home. A bump, it's sickening stunt, supporting beer bottle. It seems like the dust can never settle in the street. Rich is always in need, just like a mouth to feed. A mouth to pump for people to get along, acting fake like silicone. All the layers defective, it's time to say a prayer. Don't count on your mayor, it's all human behavior. The words are planted, that we can make a difference. My appeal, schizophrenic topic, switching like split personality. My alter ego, just satisfy my need for change. We form from a worm, form the butterfly. Don't need no alibi to justify this cry. Injustice keeps on flooding the streets. I act our homes, well, prophecy the least. Des questions à poser. Combien dirigeants ton cerveau paralysé, brisé, couillon esquelette pulvérisé. Quelqu'un n'y a pas une utilité, n'y a pas qui poise. Pitié, y'a de tout bien haut pour qu'arriver. Y'a mon réussi, son projet réalisé. Y'a un peu de moins, son tête de plus en vérité, son bénéfice. Souffle sorti sous l'ombre et son bon sacrifice. Y'a qu'un activiste, car je tout chimis. Y'a plus de danger passé, mais pas de quel virus. Affirmatif, proactif, positif, veillatif. Y'a des projets, y'a compagnons qui construit, nous besoin chef, pour créatif, même j'avais grève, chant, en vie, paye ou bien, mais fais tout ce qu'on est pour pas quitter le traîner. Bon courage, fais mon pas pour meilleur fait. Injustice keeps on flooding the streets. I act our homes, the prophecy the least. I know we gon' get it again. I know we gon' fight till the end. Injustice keeps on flooding the streets. I act our homes, the prophecy the least. I know we gon' get it. Fue el que empezó a atacar verbalmente a todos los periodistas, a los camarógrafos, y fue el que dio inicio a la tripulación. C'est the least de Nomadic Massive, précédé de Nula et de l'intro. Donc, Nomadic Massive, c'est du hip-hop acoustic breakbeat selon son MySpace, au myspace.com/Nomadic Massive. Il vient de Montréal. Il y a aussi nomadicmassive.ca. Et puis, il va être en spectacle le 28 mars à 21h au petit campus de Montréal. Voilà. Donc, allez voir le www.unechance.com s'il vous manque un lien dans l'émission d'aujourd'hui ou si vous voulez télécharger l'émission en balado-diffusion. On passe du côté... on reste du côté anglophone parce qu'il y avait une pièce franco dans Nomadic Massive, mais c'était pas mal anglo. AC Newman et son nouvel album Get Guilty. C'est ce qui s'en vient. On commence avec la pièce There Are Maybe 10 or 12 et ça se passe dans vos oreilles au 89.1 FM. C'est le poste d'écoute. Maybe 10 or 12 things I could teach you. After that, well, I think you're on your own. And that wasn't the opening line, it was the 10th or the 12th. Make of that what you will. Make of that what you will. There was a haunted loop of your deep falling tears, a forehead resting on a record shelf. Amid moving boxes stacked, I'm still waiting for the right words. Make of that what you will. Make of that what you will. They were a color I can't remember, which says more than the first two verses. And it is the devil, you know, that will slam the door harder. Make of that what you will. Make of that what you will. Make of that what you will. Make of that what you will. Le poste d'écoute. Climbs. Playing c'est fou dans vos oreilles. AC Newman, je m'attendais pas à aimer ça autant. Like a Hitman, Like a Dancer de AC Newman, celui de leur album Get Guilty. Avant ça, c'était The Heartbreak Rides. Et au début, c'était There Are Maybe 10 or 12. Donc AC Newman, c'est de l'indie alternative de Brooklyn, New York. AC Newman, là-dedans, il y a Carl Newman et d'autres, que ça dit. MySpace.com a rappelé que AC Newman est aussi disponible. Ils vont être en spectacle à Montréal le 12 mars à 20h30 au Il Motor. Et d'ici là, il y a plein de dates un petit peu partout aux États-Unis et certaines au Canada aussi. Donc AC Newman, l'album est Get Guilty, c'est dans mes petits cœurs de cette semaine. Je suis surpris, il y a quand même pas mal de cœurs dans l'émission. Jusqu'à maintenant, il nous reste un dernier album à entendre. J'ai mis un cœur à Chinatown au début de l'émission. The Bird and the Bee avec Ray Guns Are Not Just the Future. J'en ai aussi mis à Jason Bahada, Red Jumpsuit Apparatus, Fred, Late of the Pier, tantôt, et là, AC Newman. Est-ce qu'on va compléter avec Half-Baked? On va devoir se dépêcher pour aller entendre les deux premières pièces. Commençons par Night of the World, qui est leur album The Century of Foam. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute. Et restez avec nous. Hein? Le poste d'or tantôt. Faut que j'y pense. Faire le poste d'or. faire le poste d'or. Faire le poste d'or. You become a dinosaur. This is how you become a dinosaur. This is how you become a dinosaur. Long is the shadow of the man. Would you rather be alone so you can start to pretend that you were born to be the shadow of a man? The future has no gender. What did you say was masculine? This is how you become a dinosaur. This is how you become a dinosaur. This is how you become a dinosaur. This is how you become a dinosaur. Long is the shadow of a man. Would you rather be alone so you can stop to pretend that you were born to be the shadow of a man? The future has no gender. What did you think was masculine? This is how you become a dinosaur. Half-Baked et This Is How You Become a Dinosaur, précédé de Night of the World, c'est de leur album The Century of Foam. Half-Baked, qui est du rock jungle, sur leur MySpace ou myspace.com/Half-Baked Band. Ils viennent de Montréal et ils ont participé à l'émission Les Invincibles de Radio-Canada, début février. Ils vont être en spectacle le 25 septembre 2010 au Stade Olympique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai aucune idée. Ils étaient en spectacle, par contre, très récemment à Rimouski. Ce soir. Hey, c'est bien préparé. Ce soir, vendredi 13 février, Half-Baked plus Passenger Action plus Molten Lava plus Modern Sins à l'après-match de Rimouski, 21h ce soir, vendredi 13 février. Donc, je rappelle l'adresse myspace.com/Half-Baked Band et je rappelle le nom du groupe, Half-Baked, et album The Century of Foam. Voilà. C'est tout pour le poste d'écoute de cette semaine. On va se quitter avec une troisième pièce d'Halfbaked qui est Dig for the Hatchet. Les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi ont toujours plusieurs pièces ajoutées. 20 minutes de contenu additionnel, donc vous allez entendre d'autres pièces et que vous êtes donc chanceux. C'était le poste d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 10h. On rappelle, les samedis à midi et les mercredis à 13h. Je vous vois aussi. Je vous entends. Je vous parle. Hein? À CNX. Et dans les paroles assez fous cette semaine, je vais remplacer Kiwan à dernière porte à gauche aussi. Donc, ça fait quoi, 7 heures de moi dans le vendredi. C'est beaucoup, beaucoup trop de Mathieu Plante. Et vous avez été planté. Au revoir. master of coherence each time. You're either drunk or you're stoned. You like my songs. True, you had it first, but I'd rather be your last. Your nostalgia should be a thing of the past. How is it on my throne? Fine, draw me here, draw a line. I will walk, I'll be fine. I'm in control. You look at me, you're facing the abyss. And I got friends who are not quick addicted. The city is dead, if you ask me. Check one, microphone check two, or microphone check one, microphone check two. Oh, come on, who's to blame for us being so cool? Your discotheque is mine, I rule. Who's to blame for us being so cool? Your discotheque is mine, I rule. I've never been the one to talk about it and fees. I'm not a regular guy, there is nothing underneath. Riding in the metro, you see Adam and Eva with their headphones on, their bodies communicate. When they try the new ringtones, oh man, they get annoying. Cut to exist in the sound and yes, invade my space. You're living in the 90s if you hate publicity. You take a back for no reason, hey man, you put you a secret. Who's to blame for us being so cool? Your discotheque is mine, I rule. Who's to blame for us being so cool? Your discotheque is mine, I rule. I don't know what to say cause I'm not programmed. I got nothing to give and I got nothing to take. I don't know what to say cause I'm not programmed. Life flowed through me but I have nothing to take. Even back in the days he would have sex with a cow just for the money, for the fame, the bling bling is a chain. All the points with credit cards I take her to the skate. Our revolution is a lie. Homies talk a lot, oh come on. The toad whacked the de wack, quand les wacks c'est eux. Les bombes dire que t'es nihiliste, qu'est-ce que tu prends pour Dieu? Les quand t'as vu, les quand ton chapeau avec des shirts, avec des shirts, rien pas de la gang que tu joues. J'ai dit que le bling c'est une chaîne. To exist in the sound and use invade my space. You live in the 90s if you hate publicity. You take a back from the reason. Hey man, you put your receipt.